je veux vous présenter notre atout commercial à l'export. Un VIE, ici en Afrique de l'Ouest, qui a contribué aux 20% de croissance de notre start-up. Assalamu alaikum, mangete de Marc. Commercial memrek la baguette. Ça veut dire bonjour, je m'appelle Marc, et le développement commercial, c'est mon truc. C'est du Wolof. Et vous, le volontariat international en entreprise, ça vous parle? Vous vous développez à l'étranger? Comptez sur Business France pour vous aider à trouver votre talent parmi plus de 40 000 candidats référencés. Pour la relance, pensez export. Aujourd'hui, Affaires Sensibles vous propose de réécouter l'histoire d'un drame qui a ému la France entière, l'attentat contre le restaurant chez Goldenberg, rue des Rosiers, dans le quartier juif de Paris, le 9 août 1982. Cette histoire, c'est celle d'une fusillade en plein cœur de la capitale. Celle d'un acte terroriste à visage découvert, antisémite, abject, au bilan dramatique, 6 morts et 22 blessés, certains traumatisés, amputés ou paralysés à vie. Pour la communauté juive, cet épisode est un nouveau traumatisme, 2 ans seulement après l'attentat qui a visé la synagogue de la rue Copernic. Et là encore, aucune revendication, une enquête qui piétine et qui finit par s'enliser. Alors, Action Directe, Carlos, les Arméniens de l'Azala, l'extrême droite, qui est derrière la fusillade de la rue des Rosiers? Dans quelle direction la justice française doit-elle se tourner? Dans la torpeur de cet été 82, les regards se tournent vite vers la piste proche-orientale, presque par réflexe, tant l'actualité du début des années 80 s'y prête. La guerre menée par l'État hébreu au Liban cristallise les passions. Sur ce point, comme sur les autres, rien n'est sûr, mais tout laisse à penser que ceux qui ont armé les assassins et les assassins eux-mêmes viennent du Proche-Orient. Comme une histoire sans fin, 33 ans après les faits, en mars 2015, sur la foi de témoignages anonymes, un juge d'instruction français, Marc Trévidic, délivre 3 mandats d'arrêt internationaux contre des individus soupçonnés d'avoir participé ou organisé l'attentat. Des individus qui auraient appartenu à la nébuleuse terroriste d'Abou Nidal, chef palestinien, l'un des plus enragés d'une cause légitime pour les uns, mais aux méthodes assassinées donc condamnables pour les autres, c'est-à-dire les victimes et tous ceux qui en France et à travers le monde croient au dialogue, pas au meurtre, et surtout pas au meurtre des innocents. Notre invité aujourd'hui, Vincent Nouzigne, journaliste, indépendant, auteur et co-auteur de plusieurs livres d'enquête, dont la nouvelle édition augmentée, passionnante, de l'ouvrage « Les tueurs de la République », sorti chez Fayard. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Lelay. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Lundi 9 août 1982, Paris, place Saint-Paul, 4e arrondissement. Ici, dans le quartier historique de la communauté juive, nombreux sont les juifs et les autres d'ailleurs qui viennent faire leurs achats dans les épiceries alimentaires cachères, flâner dans les librairies spécialisées ou encore profiter des joies de la gastronomie caractéristique des petits restaurants qui ont pignon sur rue. On vient y goûter un falafel dans une ambiance particulière, attachante, insouciante. C'est l'un des quartiers de Paris les plus typiques. Ce jour-là, vers 13h15, à l'heure où les restaurants sont pleins, une voiture de couleur blanche remonte la rue pavée, puis prend à gauche rue des Rosiers. Arrivé au numéro 7, 4 hommes en costume gris portant des sacs noirs à l'épaule en descendent. Arme à la main, ils poussent lentement la porte du restaurant chez Goldenberg, comme le ferait n'importe quel client. Quinze secondes plus tard, c'est le carnage. Les hommes lancent une grenade et tirent à vue sur les clients ainsi que sur le personnel du restaurant à l'arme automatique. Dans la panique et pour tenter de sauver sa vie, le garçon de salle du restaurant s'échappe en sautant par la fenêtre du premier étage. Il est grièvement blessé. Puis, dans un vacarme assourdissant, les assaillants repartent du restaurant en mitraillant les passants. Avec un calme et un sang-froid qui étonnera les témoins, ils remontent la rue des Rosiers à vive allure. À quelques mètres de là, ce commerçant raconte... J'ai attendu le premier coup de mitraillette, deuxième, j'ai sorti, moi je croyais que c'était de la rigolade ou des enfants, mais je voyais les gens, ils commencent à tomber par terre, j'ai rentré chez moi, j'ai fait un cri dans le quartier, et tout le monde, ils entendent la lumière, et moi j'ai éteint ma lumière, et j'ai fermé le magasin, et j'ai resté contre le mur, et j'ai vu les deux types passer, et un brun et un autre, avec deux mitraillettes en main. Ils passaient en courant? En courant, en pleine vitesse. Et les gars tiraient de tous les côtés? Ah, de tous les côtés, celui qui passe, il tire dessus. passants terrorisés s'engouffrent dans les boutiques et tentent de se protéger. D'autres se réfugient dans les cours d'immeubles. À 300 mètres du restaurant, un employé de chez Goldenberg, attiré par le bruit, ouvre la porte. Son regard croise celui d'un des terroristes qui bat en retraite. Le malfaiteur s'arrête et lui tire dessus. Le jeune employé s'écroule, gravement touché. Il restera près de 2 semaines à l'hôpital et sera handicapé à vie. D'un pas rapide mais déterminé, le commando prend ensuite la rue Saint-Gervais, tirant au hasard sur tout ce qui bouge, avant d'arriver rue des Blancs-Manteaux, où il fait face à un homme. Encore une fois, il tire à bout portant. Plusieurs années après, la victime témoigne. Je suis tombé nez à nez avec quelqu'un qui est arrivé avec une mitraillette et qui m'a tiré dans les jambes. Alors à ce moment-là, je suis tombé. J'ai crié, je crois, et tout de suite après est arrivé le second qui lui a essayé de m'achever d'une rappel de mitraillette, et j'ai eu une chance prodigieuse puisque la balle est entrée là et sortie là. Déboutonnant sa chemise face à la caméra, Jacques-Henri Varichon montre les 2 impacts de balle dans le thorax, à quelques centimètres seulement du cœur. Dans la panique qui règne à ce moment-là, rue des Rosiers, un homme sorti de nulle part se précipite arme à la main vers le restaurant Goldenberg. Tout le monde pense que c'est un complice des terroristes qui revient finir le travail. Dans la panique, et pour se défendre, le fils du restaurateur sort son fusil, il tire une balle mortelle. L'homme s'écroule. Il s'agit en fait d'un policier en civil, un jeune père de famille qui venait s'assurer que les tueurs n'étaient plus dans le restaurant. Le cauchemar continue. Minutes plus tard, d'importants moyens de secours arrivent rue des Rosiers. Le quartier est rapidement bouclé pour éloigner les badauds qui se rassemblent et protéger les rues adjacentes. Partout dans le quartier, on entend des cris, des pleurs et surtout, on peut apercevoir du sang sur la chaussée. Ici et là, à des endroits très éparses, de petites traces d'impact dans les murs témoignent de la violence de la fusillade. Du côté des victimes, on compte une 30aine de personnes, certaines plus gravement touchées que d'autres. Dans le restaurant, chez Goldenberg, les pompiers découvrent l'horreur. Devant le comptoir, plusieurs corps baignent dans une mare de sang. L'air est empli d'une odeur qui témoigne de la fusillade qui s'est déroulée ici quelques minutes plus tôt. C'est alors que le patron du restaurant, Joe Goldenberg, rentre de sa résidence secondaire de Chantilly. On lui apprend la nouvelle. À son tour, il pénètre dans le restaurant où il ne peut que constater l'étendue du carnage. Et il découvre les corps de certains de ses amis, de ses employés qu'il connaît de longue date, et même de l'un de ses cousins. Bien des années plus tard, il raconte comment s'est déroulé l'assaut. Elle a implosé au lieu d'exploser. C'était une grenade défensive. C'est ce qui a fait que la caissière et les gens qui étaient autour ont reçu les impacts. Là, ici, vous voyez les éclats de grenade en haut et aussi des balles qui ont éclaté dans le plafond. Et là, vous avez les impacts de balles qui ont été tirés en partant de cet escalier que vous voyez là. Ici, une caisse a reçu aussi des balles. Cette caisse a protégé la caissière qui se trouvait là. Dans les heures qui suivent, l'émotion reste très vive devant l'acharnement, le sang-froid et la détermination des tueurs. Le restaurant de Joe Goldenberg, au cœur du Marais, fait partie de ses adresses symboliques pour la communauté juive. Voilà près de 50 ans qu'il ouvre quotidiennement ses portes. C'est une institution, Goldenberg. Oh, bien sûr, il a déjà reçu des menaces, mais qui aurait pu penser qu'elle déboucherait sur cet acte de guerre? Juste à côté, dans la boucherie voisine, des clients racontent eux aussi ce qu'ils ont vu. Le gars qui tirait, il avait un costume gris, que j'ai bien vu, avec une mitraillette sous sa veste. Il tirait sur tout le monde. C'est des jeunes. C'est des jeunes entre 25 et 30 ans. On l'a vu d'ici. Parce qu'ils étaient juste en face de nous là, ils étaient en train de nous viser. Derrière la voiture. Ils sont arrivés par où? Heureusement que c'était vide, heureusement. C'était pas un jour de fête ou un jour d'homme. Parce que s'ils seraient venus un mètre bien jeudi, il y aurait un carnage. Dans l'après-midi, la préfecture de police donne un premier bilan, 6 morts et 30 blessés. La plupart des victimes se trouvaient dans le restaurant, mais d'autres ont été abattus en pleine rue. Quant aux tueurs, malgré plusieurs dizaines de témoignages, on perd leurs traces du côté de la rue des Blancs-Manteaux. Certaines personnes affirment qu'elles les ont vues s'engouffrer dans une bouche de métro, d'autres au contraire expliquent que les assassins sont montés dans une voiture ou dans une camionnette de couleur grise. Vers 18h30, la rédaction du journal François reçoit un appel anonyme. Au bout du fil, on entend une voix d'homme, sans accent particulier. Il déclare « Nous sommes le groupe Action Directe, nous revendiquons l'attentat de la rue des Rosiers ». Et quelques minutes plus tard, un autre appel, toujours anonyme, vient démentir toute implication de l'organisation française d'extrême-gauche. Sur le coup de 20h, le président de la République, François Mitterrand, se rend sur les lieux du drame où un important dispositif policier est mis en place pour maintenir la foule qui gronde dans les rues avoisinantes. Il faut dire qu'un quart d'heure plus tôt, lors de son arrivée, le ministre de l'Intérieur, Gaston Defferre, s'est fait copieusement huer. Il a été pris à partie à la sortie de son véhicule. François Mitterrand tient à manifester son émotion et sa solidarité à l'égard de la communauté juive. Aussi se rend-il à la synagogue du quartier, celle de la rue Pavée, pour assister, sur sa demande, à l'office religieux en hommage aux victimes. Dans la synagogue, restée à moitié vide pour des raisons de sécurité, les incantations s'égrènent au rythme des mélodies lancinantes et torturées de Kaddish, la prière des morts. L'atmosphère qui règne en ces lieux est pesante. Au premier rang, on voit aux côtés d'un président de la République blême, un Joe Goldenberg, effondré. Dans le calme de ce recueillement, personne n'entend les gens qui dehors hurlent leur colère. Ce n'est que lorsque le président de la République ressort que les cris redoublent. Mitterrand assassin ou encore Mitterrand trahison. Acculé devant la portière de son véhicule, protégé par les gendarmes, le chef de l'État s'exprime. J'ai toujours été, et je suis l'ami de la communauté juive de France. Et je suis venu m'associer à sa douleur, comme je l'ai toujours fait. Aujourd'hui, un nouvel attentat, commis par des lâches, vient de nouveau d'ensanglanter cette communauté. Comme vous le faites vous-même, je m'incline devant les victimes. Et je dis que ce fanatisme-là, comme tous les fanatismes, me trouvera devant lui. Le président, conspué, s'engouffre dans son véhicule et repart. Un peu plus loin, Gaston Defferre, ministre de l'Intérieur, est bousculé par les manifestants. Les policiers interviennent, mais derrière eux, la foule gronde. Plus loin, des manifestants font part de leur colère, et aussi, et surtout peut-être, de leur peur. Je crie tout simplement parce que je suis révolté de ce lâche attentat. C'est tout. C'est l'attentat lui-même qui vous révolte. C'est l'attentat et les journalistes, les médias qui ont monté les Arabes contre les Juifs. C'est tout. Moi, je suis juive et j'étais socialiste. Eh bien, je ne voterai plus socialiste. Oui. Car l'attentat d'aujourd'hui, c'est le résultat de la politique du Parti Socialiste. C'est dans cette atmosphère de haine d'Israël que les Arabes, car ce sont des Arabes, que les Arabes peuvent se livrer impunément à ce genre d'attentat. Il y en a constamment. Jamais, jamais on a tué autant de Juifs qu'en France. C'est en France qu'on tue le plus de Juifs. C'est la France qui a été le fer de lance de la politique. Le Parti communiste est complice de tout ça. Les socialistes aussi. L'antisémitisme devient naturel en France maintenant. Voilà. Et les Arabes, c'est la sécurité. On voit de plus en plus d'inscriptions dans le métro, partout sur les affiches, contre les Juifs. Lueur immobile d'un jour qui s'achève, la plainte douloureuse d'un chien qui aboie, le silence inquiétant qui précède les rêves, quand le monde disparu, l'on est face à soi, les frissons où l'amour et l'automne s'en mêlent. Noir où s'engloutissent autrefois nos lois, cette inquiétude sourde qui coule en nos veines, qui nous saisit même après les plus grandes joies, ces visages oubliés qui reviennent à la charge, ces étreintes quand même on peut vivre sans foi. Là qui font que nos raisons sont vaines, ces choses au fond de nous qui nous font veiller tard, ces raisons là qui font que nos raisons sont vaines. Ces choses au fond de nous qui nous font veiller tard. Ces paroles enfermées que l'on n'a pas pu dire. Ces regards insistants que l'on n'a pas compris. Ces appels évidents, ces lueurs tardives. Ces morsures aux regrets qui se livrent à la nuit. Le lendemain matin, les commerces de la rue des Rosiers et des rues avoisinantes ont tous baissé leurs rideaux de fer. Sur les vitrines, on peut lire « Ici, la vie vit toujours, Israël vivra » ou encore « Fermeture exceptionnelle, des êtres humains sont tombés devant chez nous, solidarité ». Dans ce quartier, carrefour du souvenir et de l'avenir de la communauté juive, l'émotion demeure très forte. Dans la matinée, un grand rassemblement est organisé rue des Rosiers devant le restaurant Goldenberg. Vers 11h, on compte près d'un millier de personnes juives ou non, parmi lesquelles énormément de Parisiens choqués par le drame qui s'est déroulé la veille en plein cœur de la capitale. Dans le calme et le silence, tous prennent place dans la rue et les ruelles alentours. Des jeunes chantent des chants religieux pendant que d'autres pleurent les disparus. C'est le temps du recueillement, mais déjà, on ressent ce sentiment d'exaspération et de colère de toute une communauté. Certains journalistes qui viennent couvrir l'événement sont invités à quitter le quartier. On les accuse de détourner l'information et de vouloir masquer la vérité sur les vrais auteurs de l'attentat. Au même moment, sur les ondes de la radio communautaire Radio Shalom, la journaliste Muriel Bernheim ne peut contenir son émotion. Non, je n'oublierai jamais que 22 mois après Copernic, une nouvelle fois, le terrorisme aveugle a frappé ma famille. Je n'oublierai jamais. Mais je ne puis pardonner. Alors ce matin, personne ne m'empêchera de crier ma souffrance. Ce matin, je ne sais plus ce que veut dire le pardon. Ce matin, je me sens inutile. Et pourtant, ce matin, j'ai envie de vivre pour que vous, les salauds, n'oubliez jamais ce que vous avez fait à ma famille. Ce matin, je vous le jure, vous à qui la vie tendait les bras, mes enfants sauront. Mes enfants apprendront, mes enfants n'oublieront jamais. Mais tout comme moi, mes enfants ne pardonneront jamais. Difficile d'oublier en effet pour la communauté juive, d'autant que les stigmates et les images d'un autre attentat à la bombe persistent. Celui de la synagogue de la rue Copernic 2 ans plus tôt, en octobre 1980, à Paris. Un colis piégé qui avait fait 4 morts et une 40aine de blessés, principalement des passants, actes terroristes non revendiqués. Plusieurs services de renseignement occidentaux avaient fait part à la DST de la possibilité d'un lien avec un groupuscule terroriste basé au Proche-Orient et qui avait déjà frappé ailleurs, en Europe. Plusieurs témoignages recoupés lors de l'enquête ont permis d'établir le portrait robot de l'individu soupçonné d'avoir déposé le paquet piégé, un homme venu du Proche-Orient. Malgré ces éléments, l'Élysée reste sur son tropisme palestinien initié par le général de Gaulle. Même si François Mitterrand apparaît comme le président français le plus proche d'Israël depuis le début de la Ve République, il a déjà envoyé des signaux dans ce sens. Mais il va exercer une certaine pression pour que l'enquête s'oriente vers la piste antisémite de l'extrême droite. Une direction pourtant vite perçue comme sans fondement par les enquêteurs et qui d'ailleurs n'a pas abouti. Alors, la rue des Rosiers. Serait-ce le même groupe que celui qui a frappé rue Copernic 2 ans plus tôt? Rien ne permet de l'affirmer, ni même de le penser tout simplement, parce qu'aucun élément de preuve ne le permet. Mais du côté de la communauté juive de France, c'est une piste qu'on privilégie. Fervent partisan de cette hypothèse, le président de la LICRA, Jean-Pierre Bloch, proteste devant les caméras d'Antenne 2. Ce que j'ai dit le soir de Copernic, l'extrême droite en France, à l'heure actuelle, à mon avis, n'est pas capable d'organiser des attentats de cette importance. Et les faits l'ont démontré. Aujourd'hui, on sait que Copernic a été organisé par des gens qui venaient du Proche-Orient. Vous avez vu sans doute, comme moi, qu'un Arménien a déclaré dans une interview accordée au journal Le Quotidien, ce sont les Palestiniens d'extrême gauche qui ont fait Copernic. Eh bien aujourd'hui, moi, je ne suis pas un prêtre. Je dis, j'accuse à nouveau, c'est facile à l'OLP de démentir, c'est peut-être son extrême, mais je dis, c'est encore des gens qui sont venus du Proche-Orient qui ont commis ce crime abominable contre des gens innocents. Nous le condamnons. Et j'ajouterai qu'il n'est pas question pour nous, juifs ou non-juifs, anciens résistants, de permettre que nos femmes, que nos enfants soient lâchement assassinés au coin d'une rue. Je dis que Paris est aujourd'hui la plaque tournante du terrorisme international. C'est net, c'est prouvé. Je demande au gouvernement d'agir avec vigueur contre ceux qui profitent de l'hospitalité française pour commettre des crimes. La France, plaque tournante du terrorisme international. Les propos de Jean-Pierre Bloch semblent difficiles à concevoir avec notre regard d'aujourd'hui, tant il est vrai qu'à l'exception de la folie meurtrière de Mohamed Merah en mars 2012 et les tragiques événements de Charlie Hebdo et de l'hypercachère en janvier dernier, la France est restée relativement épargnée pendant plus d'une décennie par les actes terroristes en tout genre. New York, Madrid et Londres n'ont pas eu cette chance. Mais quand on se replonge dans la France et dans le monde des années 80, la réalité terroriste est toute différente. En 1982, la DST, les services de lutte antiterroriste, sont chaque jour sur les dents. Les ennemis s'appellent Carlos, Action Directe ou encore l'armée secrète de libération de l'Arménie, l'Azalla. Et ils frappent partout. On se souvient de l'attentat du Capitole, ce train reliant Paris à Toulouse qui a fait 5 morts et plus d'une trentaine de blessés au mois de mars. Puis un mois plus tard, donc en avril, l'explosion d'une voiture piégée en plein Paris rue Marbeuf devant les bureaux d'un hebdomadaire libyen qui a tué une personne et en a blessé 63 autres. Et puis il y a cette prise d'otage et autres braquages spectaculaires du groupe Action Directe. Et surtout, au mois de juin et juillet 82, d'autres attentats en plein centre de Paris. C'est dans une poubelle en face d'un café de la place Saint-Michel que la bombe avait été placée entre une boîte aux lettres et une cabine téléphonique. À 23h15, alors que la terrasse est comble, l'engin explose. Les parois de la poubelle amortissent le choc, mais 15 consommateurs sont blessés aux jambes par les éclats d'acier. Deux sont dans un état sérieux. Des voitures sont touchées, des vitres brisées, mais les dégâts matériels ne sont pas très importants. À minuit, l'attentat est revendiqué par l'organisation arménienne Orly. L'attentat suscite un grand émoi au cœur de la diaspora arménienne. Les attentats, la vague d'attentats en France en 1982 laisse derrière elle un bilan dramatique. Plusieurs dizaines de morts et plus d'une centaine de blessés, une sorte d'année de plomb à la française. C'est dans ce climat de peur et de tension que se déroule au mois d'août l'attentat de la rue des Rosiers. Alors, question lancinante, qui a frappé chez Goldenberg ? Pour les enquêteurs, la difficulté d'arriver à s'orienter vers la bonne piste, sans se laisser influencer d'une part par le pouvoir politique qui voit l'ombre de l'extrême droite et d'autre part par la communauté juive qui dénonce, elle, un lien manifeste avec les mouvements terroristes venus du Proche-Orient. Pour l'historien Philippe Bourdrel, l'attentat de la rue des Rosiers s'inscrit en fait dans une continuité de l'histoire de l'antisémitisme en France, mais avec d'autres horizons. Il faut bien se rendre compte que il existe une sorte de permanence d'un antisémitisme viscéral qui n'ose pas dire son nom, diffus, permanent. Nous avons tous l'occasion d'en saisir, justement, malheureusement, la permanence. Pouvoir relier l'événement de la rue des Rosiers comme celui de la rue Copernic à une forme d'antisémitisme français, là, franchement, je crois que l'on ferait erreur. C'est une forme nouvelle de l'antisémitisme, mais qui est visiblement, les gens sensés et avertis vous le diront, qui est visiblement lié à un contexte international ayant l'occurrence au drame effroyable que vit actuellement le Liban. Au même moment, à 3000 km de là, sur les rives orientales de la Méditerranée, la ville de Beyrouth vit sous les bombes et les rafales de mitraillettes. Le Liban, déjà victime de la guerre civile, est sous le joug de l'armée israélienne. Une invasion baptisée « Paix en Galilée ». Pour l'État hébreu, à la fois lucide et paranoïaque, il s'agit de riposter aux multiples attaques palestiniennes de l'OLP sur son territoire. Officieusement, il s'agit d'en finir une fois pour toutes avec la question palestinienne. Une situation qui n'a pas évolué depuis, disons qu'elle a pris d'autres formes. C'est d'ailleurs la tentative d'assassinat de son ambassadeur à Londres en juin de la même année qui offre au char israélien du général Sharon le prétexte pour intervenir au Liban. L'attentat de la rue des Rosiers serait-il une réplique palestinienne liée à ce théâtre de guerre proche-oriental ? Du côté de l'OLP, depuis des années, par l'intermédiaire notamment d'Azedine Kalak, son représentant à Paris, on dément toute implication dans les actes de terreur qui font couler le sang en Europe. Le peuple palestinien n'est pas un peuple revanchard. Nous avons vécu avec amertume l'expérience de septembre 70, où des milliers de notre peuple ont péri, mais nous regardons les choses politiquement et nous luttons pour un meilleur avenir pour le peuple palestinien. Certes, il est très facile pour l'OLP d'agir, puis de démentir pour brouiller les pistes. C'est de bonne guerre dans une sale guerre. Toutefois, dans leur enquête, les policiers vont tomber sur un indice de poids qui va les orienter définitivement vers la piste proche-orientale et vers un groupe en particulier, celui d'Abou Didal. Le soir même de l'attentat, la brigade criminelle située au 36 quai des Orfèvres à Paris entend 40 témoins. Le lendemain matin, 8 personnes appartenant au groupe Action Directe sont interpellées à Paris. Pour la police, il s'agit d'un coup de filet préventif dans les milieux dits à risque et en lien avec l'appel de revendication qu'a reçu le journal François le jour de l'attentat. Les individus sont retenus puis interrogés, mais très vite relâchés. Un responsable de la police les jugera trop amateurs pour avoir réussi à monter un tel coup. Puis les policiers mettent la main sur un élément matériel déterminant, les douilles des balles qui ont servi dans la fusillade. Elles sont de calibre 9 mm. Grâce à son expertise, le laboratoire central de la police détermine le type d'arme qui a tué les 6 personnes et qui en a blessé 22 autres. Il s'agit d'un pistolet mitrailleur WZ-63 de fabrication polonaise. Or, cette même arme est retrouvée un peu plus tard dans un sac en plein cœur du bois de Boulogne. Elle a servi notamment à Vienne un an plus tôt, le 29 août 1981. Ce jour-là, 3 hommes lancent une grenade et arrosent les passants au pistolet mitrailleur devant une synagogue. Le bilan est dramatique, 2 morts et 18 blessés. Interpellé par la police autrichienne, les tueurs appartiennent au groupe Abou Didal. Abou Didal, de son vrai nom Sabri Khalil al-Banna, est un extrémiste palestinien dissident du Fatah. Soutenu par intermittence par les Irakiens et par les Syriens, il se livre à une guerre sans merci contre l'OLP et il multiplie les attentats à travers toute l'Europe contre les représentations de l'Organisation de Libération Palestinienne, mais aussi, bien sûr, contre les cibles israéliennes. Un temps soupçonné de travailler en sous-main pour les Israéliens, c'est lui qui organise la tentative d'attentat contre l'ambassadeur d'Israël à Londres. Un acte perpétré avec la même arme, un pistolet mitrailleur WZ-63, une piste qui offre aux Israéliens le prétexte pour envoyer son armée au Liban. Faut-il établir un lien, alors, avec la rue des Rosiers et avec l'attentat de la rue Copernic ? À partir des indications de nombreux témoins, 4 portraits robots sont diffusés. Ils correspondent pour certains à des hommes de type caucasien et pour d'autres à des individus proche-orientaux âgés entre 20 et 30 ans. Deuxième indication, leur attitude calme et déterminée ainsi que la précision de leur tir permettent aux policiers de déduire qu'ils ont bel et bien affaire à des professionnels surentraînés ou à d'anciens militaires. Pourtant, malgré des éléments probants, les semaines vont passer, l'enquête va s'enliser. Comme si une information essentielle semblait manquer aux policiers de la brigade criminelle pour pouvoir avancer et mettre des noms sur les tueurs. Un temps évoqué, la piste néo-nazie ne débouche sur rien de concret, tout comme la fantaisiste interpellation des Irlandais de Vincennes à la fin du mois d'août 1982. Ainsi, les commémorations passent comme le temps, 10 ans. 20 ans, puis 30 ans, quand enfin, 32 ans après, le juge d'instruction Marc Trévidic, qui se base sur des témoignages d'anciens agents des services de renseignement et sur des comparaisons balistiques, délivre 3 mandats d'arrêt internationaux contre 3 suspects d'origine palestinienne qui vivent en Norvège, en Jordanie et en Cisjordanie. Sur ces 3 personnes identifiées par la justice, 2 auraient participé à l'attentat de la rue des Rosiers. Reste à savoir si les autorités françaises obtiendront gain de cause pour l'extradition de ces suspects afin de les entendre et le cas échéant de les juger en France. Comparaîtraient alors les auteurs présumés de l'un des attentats les plus meurtriers qu'on ait connus à Paris. La mémoire des victimes s'en trouverait honorée, la souffrance des blessés peut-être apaisée et la peine de leurs proches allégée. Ce n'est pas rien. Sensible aujourd'hui, l'attentat de la rue des Rosiers dont nous allons parler avec notre invité Vincent Nouzy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendant et auteur et co-auteur de plusieurs livres d'enquête, comme Dans le secret des présidents, chez Fayard en 2010, ou Erreur fatale, chez Fayard toujours, en 2017 celui-là. Et vous avez co-signé avec Patrick Ottman le film L'histoire secrète de l'antiterrorisme pour France 2 en 2018. Aujourd'hui, vous venez de publier ce livre dans une nouvelle édition augmentée, passionnante, livre intitulé Les tueurs de la République. Toujours chez Fayard. Alors d'abord, cette nouvelle qui vient de tomber lundi, il y a quelques jours, la justice norvégienne a confirmé en appel l'autorisation d'extrader vers la France le dénommé Walid Abdulrahman Abu Zayed, soupçonné d'être l'un des tireurs de la rue des Rosiers. C'est un premier pas dans une procédure d'extradition qui dure quand même depuis 35 ans. Ça devrait changer beaucoup de choses pour l'enquête. Oui. Ça devrait peut-être finir par permettre aux juges d'instruction, il y a trois nouveaux juges d'instruction qui ont repris ce dossier. C'est l'un des plus vieux dossiers du terrorisme en France, puisque ça fait maintenant 38 ans et ça fera bientôt 39 ans que cette affaire est ouverte, est instruite et n'est pas conclue et n'a pas donné lieu encore à un procès. Rendez-vous compte, en ce moment, on a les attentats de janvier 2015, qui font l'objet d'un procès très important à Paris, ça veut dire 5 ans après. Là, pour celui-ci, pour l'attentat de la rue des Rosiers, on n'a pas la vérité, on n'a pas la justice 38 ans après les faits. 38 ans, oui, absolument, très précis. Il se trouve que ces mandats d'arrêt qui avaient été délivrés par le juge Trévidic début 2015 ont permis de nommer, en quelque sorte, des présumés membres du commando des tueurs de la rue des Rossiers. Alors, c'est déjà ça. C'est très important, puisque l'identification de personnes qui ont participé directement jusqu'à présent n'avait pas été rendue possible. C'est l'enquête du juge Trévidic qui, à partir de 2008, a permis, grâce à des témoins anonymes, anciens membres de l'organisation d'Amoudinal, de identifier des auteurs présumés tireurs de la rue des Rossiers. Si jamais l'un de ces présumés tireurs arrive en France, évidemment que ça va permettre au juge, éventuellement... D'ouvrir de nouvelles portes. D'ouvrir de nouvelles portes, de conclure peut-être, de demander aux autres pays dans lesquels sont actuellement deux autres personnes qui font l'objet de mandat d'arrêt, c'est-à-dire en Jordanie et dans les territoires palestiniens en Cisjordanie, peut-être d'activer également ces procédures d'extradition, même si elles sont à ce stade peu probables. Oui, elles paraissent plus difficiles qu'avec la Norvège, mais une pression, pays occidental, démocratique. Mais une pression diplomatique française peut très bien se poursuivre du fait justement de cette extradition de ce Norvégien. Donc ça change les choses. Ça change les choses et ça peut permettre enfin peut-être aux juges de se dire et aux victimes surtout, de se dire qu'il y aura un jour un procès pour cet attentat de 1982. Comment expliquer maintenant qu'il y ait eu cet empêchement d'enquêter, en tout cas d'arriver à des résultats, des semblants de résultats, jusqu'en 2015? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors il faut dire que c'était un attentat avec des personnes, enfin commises par des personnes dont le portrait robot a été établi assez vite, mais qui n'a pas permis d'avancer beaucoup, puisque au-delà de la piste des armes, qui a été suivi par le juge Jean-Louis Bruguière, qui a été chargé de cette affaire, la piste des armes a permis assez vite d'identifier un présumé groupe coupable, qui est le groupe du dissident palestinien Abou Nidal. Mais une fois qu'on a ça, une fois qu'on a dit c'est probablement Abou Nidal, et tous les services français de l'époque, la DGSE, la DST, la surveillance du territoire, et les enquêteurs, le juge Bruguière me l'a même confié, ils étaient persuadés que c'était le groupe Abou Nidal parce que les armes employées, notamment les armes automatiques, étaient des WZ-63 d'origine polonaise, dont les numéros de série étaient écrits en cyrillique et en arabe, des armes qui avaient été fournies par la Pologne à des groupes palestiniens. Donc, et ces armes... La Pologne communiste à l'époque. La Pologne à l'époque communiste. Et ces armes ont été utilisées, des armes similaires, y compris de la même série, ont été utilisés par le groupe Abou Nidal qui revendiquait d'autres attentats au même moment en Europe, notamment un attentat à Londres et notamment un attentat à Vienne. Et je précisais la Pologne communiste puisque dans le même temps, des terroristes palestiniens et autres d'ailleurs allaient s'entraîner dans des bases en Allemagne de l'Est puisque c'était cette dialectique, les ennemis sont les amis en quelque Exactement. Sorte. Et d'ailleurs, à l'époque, dans ce grand jeu de la guerre froide, des groupes terroristes ou des mercenaires du terrorisme, comme le groupe Abou Nidal, pouvaient trouver à la fois des clients, si je puis dire, oui, et des soutiens logistiques. Ils avaient monté, par exemple, le groupe Abou Nidal avait monté beaucoup de sociétés écrans en Tchécoslovaquie et en Pologne. C'était des manières pour eux d'avoir des boîtes aux lettres, de se financer, d'avoir peut-être d'acheter des armes, et notamment, en l'occurrence, ces armes d'origine polonaise. Mais une fois qu'on a les armes, et une fois qu'on a présumer que c'est le groupe Abou Nidal, eh bien, on n'a pas l'identité des tueurs. Non. Et on n'a pas non plus le nom des commanditaires. Car Abou Nidal, lui-même, est assez difficile à attraper. Sauf que, là, il y a un élément qui est très important, qui est très intéressant, et qui pose question, qui est le fait que, pendant toute cette période où la justice tente d'avancer, avec le juge Bruguière à l'époque, eh bien, d'autres bras de l'État mènent une autre politique secrète. Une autre politique qui est aux antipodes de la démarche judiciaire. Ce sont les services secrets, et en l'occurrence, c'est la DST, les services de sécurité intérieure, dont ce n'est pas le travail, qui s'est automandaté ou qui a été mandaté pour prendre contact avec le groupe Abou Nidal, fin 82 et début 1983. C'est-à-dire quelques mois après l'attentat, Une fois que tous les services, et y compris le juge de son côté, sont persuadés que c'est le groupe Hamoudidal qui est probablement le commanditaire de cet attentat de la rue des Rosiers, eh bien, discrètement, les services secrets français vont entamer une processus de pourparlers, de négociations tout à fait inédites avec ce groupe, de manière à éviter, en gros, qu'il ne frappe la France à nouveau. Alors, on va en parler après avoir écouté Yael Naïm qui chante « Chi ». L-S-H-E, et on va parler aussi de la France, hein, parce que justement cet attentat a été commis à Paris, capitale de la France. She wants to run from me, so I will set her free. Shine in my eyes, you're blinding light. You were real, wasting my own time. I'm saying I am fine, losing my own mind. I swear that I am fine. Sensible, Fabrice Drouel. Vincent Nouzy, donc la cible, elle paraît claire si l'on part du postulat que c'est un attentat fomenté et exécuté pour la cause palestinienne, mais ça va plus loin que ça. Et c'est relié au fait que ce soit à Paris, c'est pas un hasard. D'abord, il faut bien dire qui est Abou Nidal. Abou Nidal, c'est un dissident de l'Organisation de Libération de la Palestine de Yasser Arafat, et qui a quitté l'OLP en 1974 et qui considère qu'Arafat doit être assassiné. Parce que c'est un traître. Il considère aussi... Et pourquoi il le considère pour un traître, on peut le dire aussi quand parce même. Parce qu'il n'est pas assez dur, il n'est pas assez violent. Absolument. Donc, Abou Nidal, c'est le plus violent, et il considère Arafat aussi dangereux, voire plus dangereux, que l'État d'Israël, pour lequel il a une haine farouche. Pourquoi s'en prendre à la France à ce moment-là? C'est d'une limpidité, à mon avis, d'une explication relativement simple. Au même moment, au Liban, la France est intervenue, elle a un peu fâché d'ailleurs les Israéliens, mais la France est intervenue surtout pour sauver Yasser Arafat, qui est prise au piège à Beyrouth après l'invasion du Liban par l'armée israélienne. Et d'une certaine façon... Le meilleur ami d'Arafat à ce moment-là, c'est François Mitterrand, c'est la France de François Mitterrand, qui l'exfiltre même de Beyrouth, puis après de la ville de Tripoli au Nord-Liban. Donc, Mitterrand et la France, c'est les sauveurs d'Arafat. Pour Abou Nidal, c'est une raison et un mobile extraordinaire de taper la France, de taper son ennemi palestinien, et en s'en prenant, comme il le fait d'ailleurs de manière traditionnelle, à des cibles juives, eh bien, il fait d'une pierre deux coups, en quelque sorte. Absolument. Il vise la France et il vise son ennemi Arafat. Et il vise ce restaurant dans le quartier juif, alors que précédemment, on peut citer, il a ciblé une synagogue à Vienne, ciblera une synagogue à Bruxelles, puis ensuite une synagogue à Rome, le 9 octobre 82. Donc, il est habitué à cibler des objectifs israéliens ou juifs. Mais en l'occurrence, il a une haine si farouche d'Arafat que la France ayant sauvé Arafat, il tape sur la France. Et puis, il a un bon ami, Abou Nidal. Il a un bon ami qui, en l'occurrence, est le président syrien, Hafez al-Assad. Et le père de Bachar. Et Hafez al-Assad déteste que la France se mêle de quoi que ce soit au Liban. Donc, tout ce que la France a fait au Liban pendant l'été de 82, il considère que la France n'a pas à se mêler des affaires au Liban. Et d'ailleurs, Hafez al-Assad est considéré comme le commanditaire de l'assassinat de l'ambassadeur de France au Liban, Louis de Lamarre, en septembre 81, c'est-à-dire quelques mois plus tôt. Donc il y a une double haine. Hafez al-Assad, Abou Nidal. Ces deux-là ne veulent pas que la France se mêle des affaires au Liban et ne veulent surtout pas qu'ils aident Arafat. Et pour ceux qui penseraient, après tout ça pourrait être logique, que les attentats de Drakkar 83, avec tant de morts, bah c'est la même chose. Non, là c'est le Hezbollah. Là c'est une autre guerre qui a commencé, bon. C'est celle de l'Iran, oui, l'Iran, via ses supplétifs en Liban qui sont le Hezbollah. Mais pour être simple, Abou Nidal est bien le commanditaire de cet attentat de la rue des Rosiers. Il a pour client le président syrien. Ils tapent une cible juive parce qu'ils savent que ça va faire très mal à François Mitterrand. D'ailleurs, on voit bien dans le récit à quel point François Mitterrand est peiné par les attaques de traîtrise à l'encontre d'Israël qui lui sont adressées. Puisque 4 mois avant, il est allé en Israël, il a fait ce grand discours à la Knesset. Et d'ailleurs, il y a ce moment où François Mitterrand va devant chez Joe Goldenberg. Oui. Et là, c'est terrible pour lui, les reproches qu'on lui fait. Il ne les supporte pas. Et on le voit d'ailleurs physiquement. Voilà. Alors qu'il avait un tel talent pour cacher ses émotions, pour être fort, là on le voit. Donc il y a de la part de la France, de la part de François Mitterrand à ce moment-là, de la part de son gouvernement, il y a une panique en fait. Qu'est-ce que c'est que cette... Pourquoi on nous en veut à ce point de notre intervention au Liban? Et d'une certaine façon, il va y avoir une multitude d'initiatives prises par le gouvernement français, par Mitterrand. D'une part, Mitterrand ordonne à la DGSE de tout faire pour tuer Abou Nidal. Alors, il y a le directeur de la DGSE qui lui dit « Monsieur le Président, vous exagérez parce qu'il est planqué quelque part entre l'Irak et la Syrie, je ne sais pas du tout où il est. » Donc, on ne peut pas le flinguer. Le juge Bruguière, lui, enquête. Il présume que c'est le groupe Abou Nidal qui a commandité cet attentat. Mais il n'a pas les moyens d'avancer dans son enquête. Et parallèlement, la DST, de manière secrète, mais avec l'accord de l'Élysée, avec l'accord de François Mitterrand, entame des discussions secrètes avec le groupe Abou Nidal. Pourquoi ? Parce que, pour la DST, la sanctuarisation du territoire français, le fait qu'il n'y ait pas d'attentats sur le sol français commis par ce groupe Abou Nidal, qui à l'époque multiplie les attentats aux quatre coins de l'Europe. Il faut se rendre compte qu'Abou Nidal, c'était l'organisation terroriste la plus puissante de l'époque. Mais on lui attribue environ 900 attentats dans le monde, et des centaines et des milliers de morts. Donc avoir comme ennemi Abou Nidal, c'est pas très bon quand on est responsable politique en France. Vincent Nouzi, dans cette enquête fascinante, en fait, parce qu'il y a tellement de ficelles qui sont tirées, de choses invisibles, et c'est derrière tout ça qu'on trouve la vérité. Étonnamment, cette situation a débouché sur, je ne sais pas si on peut appeler ça un travail commun, mais du Mossad, c'est-à-dire les services secrets israéliens et les services secrets palestiniens, enfin du Fatah, qui sont dirigés par Abu Iyad. Oui, au moment où l'attentat advient, comme tout le monde pense assez rapidement que c'est bien le groupe dissident palestinien Abu Nidal qui est à la manœuvre, il a plein d'ennemis. Il a la France, bien sûr, maintenant, mais ennemis qui vont être prêts à négocier avec lui. Et il y a le Mossad, les services secrets israéliens, qui le traquent aux quatre coins du Moyen-Orient, sans réussir à le tuer. Et puis il y a les services secrets de Yasser Arafat, qui ont bien compris que cet attentat de la rue des Rosiers, c'est un message qu'on veut leur faire passer et qu'on veut faire pression sur la France pour qu'elle ne le soutienne moins. Et du coup, Arafat donne pour consigne à ses services secrets, qui sont dirigés par Abou Iyad, de coopérer et de donner tous les renseignements qu'ils peuvent à la DST, à la DGSE... Et au Mossad. À la France, en fait, essentiellement. Et le Mossad donne des indications également à la France. Donc, de manière tout à fait étonnante, la France récupère des renseignements sur le groupe Abou Nidal qui proviennent du Mossad et des Palestiniens d'Arafat. Alors, ça s'est accéléré à partir de l'initiative du juge Trévidic. Mais enfin, ça s'accélère dans l'accélération, cette enquête-là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça s'accélère comme ça? Alors, il faut bien dire que la DST, bien qu'elle ait négocié pendant quelques années une espèce de deal secret pour que la France ne soit plus attaquée par Abounidal, accord dont on pourrait parler dans les détails, mais qui sont assez complexes, il y a eu des rebondissements, il y a eu quand même la libération de deux membres du groupe Abounidal par la France de manière prématurée. Ils étaient emprisonnés en France pour un autre crime. Et Mitterrand a donné son accord pour qu'ils soient libérés en février 86. Mais une fois que ce deal est fait, l'enquête continue. L'enquête s'enlise pendant quelques années. Et puis au moment où effectivement le juge Bruguière cède la place à Marc Trévidic, et la DST continue de travailler sur le sujet. Ils n'ont jamais lâché prise. Donc ils peuvent être accusés peut-être d'avoir pactisé avec le diable à un moment. Mais à la fin, c'est bien eux qui reprennent le dossier et il y en a à la DST qui ont la mémoire longue et qui n'ont jamais lâché prise. Et le juge Trévidic reprend cette investigation et obtient de la part de repentis, en quelque sorte, du groupe Abounidal, notamment un ancien dirigeant très important du groupe Abounidal, ils obtiennent, qui sera nommé témoin anonyme, ils obtiennent des confidences tout à fait stupéfiantes, qui sera confirmée par un autre ex-membre du groupe Abounidal. Ce sont ces deux témoins, qui sont les numéros 97 et 103 dans la procédure du juge Trévidic, qui vont donner les éléments d'identification, enfin. Donc on est en 2013-2014. Et c'est grâce à ces déclarations très tardives d'anciens membres du groupe Abounidal que l'enquête a pu rebondir. Alors, c'est pour ça qu'il y a eu ces trois mandats d'arrêt lancés par le juge Trévidic en 2015, dont la réalisation, la matérialisation est complexe. Et puis, cette affaire a été un petit peu relancée lorsque, dans le film que j'ai fait avec Patrick Reutemann en 2018, Yves Bonnet, donc l'ancien patron de la DST, avoue qu'ils ont passé un deal à un moment donné avec Abounidal. Alors, tout le monde s'est un petit peu ému. Et le juge chargé de l'enquête a fait auditionner Yves Bonnet. Et là, il dit, oui, effectivement, à une époque, on a fait passer un deal. Et ces deux adjoints, qui ont également été auditionnés, ont fini par dire qu'ils n'avaient jamais reçu d'instruction de freiner l'enquête. Oui. C'est pas parce qu'on a passé un deal à un moment donné qu'on laisse pas l'enquête. Et d'ailleurs, à la fin, peut-être on aura un élément de vérité lorsque ce Norvégien parlera. Juste une chose, rappelez-moi les termes du deal, en une phrase. Les termes du deal, c'est pas d'attentat en France contre une forme d'impunité si vous passez par la France. On ne vous attrapera pas. Dernière chose, Abounidal est mort. Dans quelles conditions? Quelle année? Alors, il est mort, c'était un mercenaire du terrorisme international qui avait travaillé pour les Irakiens, pour les Syriens, pour les Libyens, pour Kadhafi, etc. Et en 2002, il a échoué, si je peux dire, à Bagdad. Et rappelez-vous, on est aux prémices, juste avant la guerre d'Irak. Et Saddam Hussein ne sait plus quoi faire de ce mercenaire. C'est un peu comme Carlos qui a été abandonné au Soudan. Ouais. Et finalement, les Français l'ont attrapé. Là, en 2002, il est en quelque sorte tué par les sicaires, les tueurs de Saddam Hussein. Et il y a un homme, un Français, qui vient pour reconnaître le corps. Ce Français, c'est le général Philippe Rondeau. Ah, mais oui. Philippe Rondeau, qui est un ancien, qui a travaillé pour la DST, justement, qui est l'homme qui connaissait le mieux Abounidal en France, puisque c'était lui qui, dans les années 80, avait passé le deal. Il reconnaîtra le corps à Bagdad, parce que Abounidal avait été donné mort X fois. Ben oui. Et là, on sait. Enfin, voilà, on sait. Rondeau est revenu de Bagdad en disant « Oui, Abounidal est bien mort ». Vincent Nouzy, ce que vous nous dites est passionnant et on le retrouve dans votre livre, nouvelle édition augmentée. C'est vrai qu'il faut toujours actualiser ce genre de choses parce que l'histoire va vite. Merci infiniment, au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'attentat de la rue des Rosiers, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission. Merci à Guillaume Roux qui était à la technique aujourd'hui.